Docteur a dit, souris mais comme ça veut pour balbogie. J'ai qui pas dérangé le mec qui a fait ouais que si. Yo t'y joue qu'on l'est bien parce qu'il pas appelé son passé. C'est juste plein d'elle qu'elle m'a bon menti pour le stomac. Lui et moi gay et t'y m'a moun de fois comme des refusés bol. Après tout parler en pile à ses filles même refusés bel. Y'aura comprendre ça, j'y vois d'homme ça. Puis chargé qu'elle s'en vit bon pour fort. Jam pour toute femme qui besoin go dada yo. What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's you want? What's ça pour me faire encore. Elle femme de mille pas l'île, dit mais pas l'île, pas bon. Si me coûte, c'est moi qui a pointé. Imaginons à l'âge, baby. C'est mon moment besoin. Ouais, faut que tu fasses ça, rien, mais c'est après dîner. Elle cagé sous deux dîners, famille là, deux dîners. Tout gore à faire qui venait, mais la cagé. Il pas contre les pièces, nous a fait Julie, la gérer. Mais ça qui fait tes blondes chauds, c'est l'air à passer. Dans ta vie, on est petit bout de jupe, d'un coup boule maté. Il dit, moi, pas mis tout le bois qui existait. Posé, je bois d'or, sa famille va négocier. Mais moi, tout lui met, tout lui met. Même les fois glissés, on t'a pensé l'envie gâtée. Mais faut comprendre ça, on va comprendre ça. Oui, on va comprendre ça. Just mets tes sucres, mets tes sel, mets ton petit glace et puis brassel. Just mets tes sucres, mets tes sel, mets ton petit glace et puis brassel. Ouais, j'y vois d'homme ça, l'y est un gars des femmes ça. Tout la tête, tu n'es qu'une ya, c'est l'île, veut pas faire l'autre là. Depuis ma wam, les guettes, on vient d'en frapper pas. Dem by force, il faut camper jam pour toute femme qui besoin go dada yo. Ou adios.